Doctrine d'Averroès. Secte musulmane. Les mots calmin. La philosophie arabe se présente à nous avec le caractère d'une assez grande uniformité. Chez tous les philosophes dont nous venons de montrer la succession, Ghazali excepté, la méthode est la même, l'autorité est la même, la doctrine ne diffère que par le degré plus ou moins avancé de développement où elle est parvenue. C'est dans les sectes religieuses sorties de l'islamisme qu'il faut chercher la variété, l'individualité et le vrai génie des Arabes. Un siècle s'était à peine écoulé depuis la mort du prophète, que déjà la dispute commençait à miner le dogme qu'il avait fondé. La liberté et la prédestination furent le premier objet sur lequel s'exerça le besoin d'activité théologique. Les Kadarites, partisans de la liberté, et les Djabarites, prédestinaliens, soutinrent sur cet éternel champ de bataille la longue guerre des textes et de la raison. Les attributs de Dieu furent le deuxième brandon de discorde. L'extrême rigueur du monothéisme qui règne dans l'islam, la tension constante à combattre les dogmes chrétiens de la Trinité et de l'Incarnation, à répéter sans cesse, Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de mère, Dieu n'engendre pas, Dieu n'est point engendré, fit beaucoup travailler les esprits en ce sens. Les uns, moit-il, refusant à Dieu tout attribut positif et susceptible d'être rapporté aux créatures, en faisaient un être abstrait, dont on ne pouvait rien affirmer. En général, les philosophes et les sectes philosophiques, par opposition aux hypostases du Dieu des chrétiens, étaient de cet avis et niaient les attributs distincts de l'essence divine. Les autres, tels que les Sifatites, partisans des attributs, les Tejbites, assimilateurs, faisaient Dieu à l'image de l'homme et s'échelonnaient aux différents degrés de l'anthropomorphisme. Les Ascarites s'efforcèrent de réunir les doctrines des Djabarites et des Sifatiles, avec quelques restrictions, pour ne pas tomber dans le fatalisme absolu et l'anthropomorphisme matérialiste. Pour les Hachaouites, au contraire, Dieu est un être corporel, habitant en un lieu déterminé. Il est assis sur un trône, il a des pieds et des mains, etc. En face de ce dogmatisme intempérant, le scepticisme s'exprimait en des sectes indéfiniment variées. Les somanites rejetaient toute connaissance acquise par la spéculation, et n'admettaient que ce qui se touche et se voit, ils passaient pour mauvais croyants. Les talimites, par un autre genre de scepticisme, fondaient la certitude de la conscience sur l'autorité d'un homme infaillible, l'imam. Ils se confondaient presque avec les bethéniens, kabbalistes musulmans, qui cherchait la vérité dans les lettres et les nombres. Confère, de Sassi. Enfin l'incrédulité la plus avouée formait elle-même des sectes dans le sein de l'islamisme, karmate, fatimite, ismaélien, druze, hachichin, secte à double entente, alliant le fanatisme à l'incrédulité, la licence à l'enthousiasme religieux, la hardiesse du libre penseur à la superstition de l'initié et à l'indifférence du quiétiste. Tel est en effet le caractère bizarre de l'incrédulité musulmane, flottant indécise entre la secte religieuse et la société secrète, elle cache la plus révoltante immoralité, l'impiété la plus forcenée, sous le voile de l'initiation. Ne rien croire et tout se permettre, telle est sa formule. Du reste, Le caractère vague des diverses appellations par lesquelles les musulmans désignent les mécréants ne nous permet pas toujours de bien marquer la nuance des opinions qu'ils regardent comme hétérodoxes. Ainsi, sous le nom de zindiques se confondaient les sectes infâmes et communistes sorties de Bardezan, de Mazda, du manichéisme, et les libres penseurs, al-Eltakik, les gens de l'évidence, qui n'admettaient que ce qui est prouvé. Le peuple ne fait guère de différence entre ceux qui ne croient pas comme lui. Quelquefois même on rattachait les zindiques au sabisme et à l'idolâtrie. Tels étaient les produits bizarres de cette grande ébullition où flottèrent tous les éléments de l'islamisme du 2e au 5e siècle de l'Égire. Une théologie libérale et rationaliste, celle des motazélites, dissidents, rallia quelque temps les esprits modérés. Le motazélisme représente, dans l'islam, un protestantisme de la nuance de Schleiermacher. La révélation est un produit naturel des facultés humaines, les doctrines nécessaires au salut sont du ressort de la raison. La raison suffit pour y mener, et en tout temps, même avant la révélation, on a pu arriver à les connaître. L'école de Bassora fut, sous la protection des Abbasides, le centre de ce grand mouvement de réforme, dont l'expression la plus complète se trouve dans la grande encyclopédie des Frères de la Sincérité, tentative de conciliation entre la philosophie et l'islamisme, qui ne parut satisfaire ni les philosophes ni les dévots. Ainsi, en dehors de l'étude de la philosophie grecque, l'islamisme fournissait à l'activité des esprits un vaste champ de discussion rationnelle, qu'on désignait du nom de Kalam, à peu près synonyme de scolastique. Le Kalam dont l'existence est antérieure à l'introduction de la philosophie grecque chez les musulmans sous Al-Mamoun, ne représenta d'abord aucun système particulier. Sous ce mot se cacha même parfois une grande liberté de discussion. Mais quand la faveur accordée à la philosophie eut mis en péril les dogmes de l'islamisme, le rôle du Kalam changea, et consista désormais à défendre par les armes de la dialectique les dogmes attaqués, à peu près comme chez nous la théologie, de dogmatique elle était d'abord, est devenue de nos jours surtout apologétique. Le but principal des motocalmins est d'établir contre les philosophes la création de la matière, la nouveauté du monde et l'existence d'un Dieu libre, séparé du monde et agissant sur le monde. Le système des atonies leur parut favorable à la polémique qu'ils voulaient soutenir, ils le choisirent. Les atomes, disaient-ils, ont été créés par Dieu. Dieu pourrait les détruire, et sans cesse il en crée de nouveaux. Dieu agit librement et directement en toute chose, tout ce qui existe est immédiatement son œuvre. Les privations ou accidents négatifs, l'obscurité, l'ignorance, etc., sont même produits par Dieu dans la substance qui les supporte, tout comme les accidents positifs. Ainsi Dieu crée la mort, Dieu crée le repos, comme il crée la vie, comme il crée le mouvement. L'âme elle-même n'est qu'un accident que Dieu continue sans cesse. La causalité ne réside pas dans les lois de la nature, Dieu seul est cause. Deux faits ne s'enchaînent jamais nécessairement l'un à l'autre, et l'ensemble de l'univers pourrait être tout autre qu'il n'est. Tel est le système que les motocalmins trouvèrent le meilleur à opposer au péripatétisme des philosophes. Système très pauvre assurément, comme tous ceux qui sont conçus pour les besoins de la polémique, mais recommandé par ce faux air de netteté qui séduit le vulgaire. C'est contre ce système que nous allons voir Ibn Rushd, Maimonide et les derniers représentants de la philosophie arabe tentaient un effort suprême, qui ne servira qu'à montrer une fois de plus quelle distance il y a entre les formules dont se contente la foi populaire et celles que la science indépendante est amenée à se former. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.